Chapitre deuxième. Je vous ai dit que de ces deux dames, l'une était riche et l'autre pauvre. Vous devinez déjà par quelles raisons elles plurent toutes deux à Valentin. Je crois vous avoir dit aussi que l'une était mariée et l'autre veuve. La marquise de Parnes, c'est la mariée, était fille et femme de marquis. Ce qui vaut mieux, elle était fort riche. Ce qui vaut mieux encore, elle était fort libre, son mari étant à Hollande pour affaires. Elle n'avait pas 25 ans. Elle se trouvait reine d'un petit royaume au fond de la chaussée d'Antin. Son royaume consistait en un petit hôtel, bâti avec un goût parfait entre une grande cour et un beau jardin. C'était la dernière folie du défunt beau-père, grand seigneur un peu libertin, et la maison, à dire vrai, se ressentait des goûts de son ancien maître. Elle ressemblait plutôt à ce qu'on appelait jadis une maison à partie qu'à la retraite d'une jeune femme condamnée au repos par l'absence de l'époux. Un pavillon rond, séparé de l'hôtel, occupait le milieu du jardin. Ce pavillon, qui n'avait qu'un rez-de-chaussée, n'avait aussi qu'une seule pièce et n'était qu'un immense boudoir meublé avec un luxe raffiné. Madame de Parnes, qui habitait l'hôtel et passait pour fort sage, n'allait point, disait-on, au pavillon. On y voyait pourtant quelquefois de la lumière. Compagnie excellente, dîner à l'avenant, fringants équipages, nombreux domestiques, en un mot, grand bruit de bon ton, voilà la maison de la marquise. D'ailleurs, une éducation achevée lui avait donné 1000 talents. Avec tout ce qu'il faut pour plaire sans esprit, elle trouvait moyen d'en avoir. Une indispensable tante l'amenait partout. Quand on parlait de son mari, elle disait qu'il allait revenir. Personne ne pensait à médire d'elle. Madame Delaunay, c'est la veuve, avait perdu son mari fort jeune. Elle vivait avec sa mère d'une modique pension obtenue à grand-peine et à grand-peine suffisante. C'était un troisième étage qu'il fallait monter, rue du Plat d'Étain, pour la trouver brodant à sa fenêtre. C'était tout ce qu'elle savait faire. Son éducation, vous le voyez, avait été fort négligée. Un petit salon était tout son domaine. À l'heure du dîner, on y roulait la table de noyer, reléguée durant le jour dans l'antichambre. Le soir, une armoire à alcôve s'ouvrait, contenant 2 lits. Du reste, une propreté soigneuse entretenait le modeste ameublement. Au milieu de tout cela, Madame Delaunay aimait le monde. Quelques anciens amis de son mari donnaient de petites soirées où elle allait, parée d'une fraîche robe d'organdi. Comme les gens sans fortune n'ont pas de saison, ces petites fêtes duraient toute l'année. Être pauvre, jeune, belle et honnête, ce n'est pas un mérite si rare qu'on le dit, mais c'est un mérite. Quand je vous ai annoncé que mon Valentin aimait ces deux femmes, je n'ai pas prétendu déclarer qu'il les aima également toutes deux. Je pourrais me tirer d'affaire en vous disant qu'il aimait l'une et désirait l'autre. Mais je ne veux point chercher ces finesses, qui après tout ne signifieraient rien, sinon qu'il les désirait toutes deux. J'aime mieux vous raconter simplement ce qui se passait dans son cœur. Ce qui le fit d'abord aller souvent dans ces deux maisons, ce fut un assez vilain motif, l'absence de mari dans l'une et dans l'autre. Il n'est que trop vrai qu'une apparence de facilité, quand bien même elle n'est qu'une apparence, séduit les jeunes têtes. Valentin était reçu chez Madame de Parnes parce qu'elle voyait beaucoup de monde, sans autre raison. Un ami l'avait présenté. Pour aller chez Madame Delaunay, qui ne recevait personne, ce n'avait pas été aussi aisé. Il l'avait rencontrée à l'une de ces petites soirées dont je vous parlais tout à l'heure, car Valentin allait un peu partout. Il avait donc vu Madame Delaunay, l'avait remarquée, l'avait fait danser. Enfin, un beau jour, avait trouvé moyen de lui porter un livre nouveau qu'elle désirait lire. La première visite, une fois faite, on revient sans motif, et au bout de 3 mois, on est de la maison. Ainsi vont les choses. Tel qui s'étonne de la présence d'un jeune homme dans une famille que personne n'aborde, serait quelquefois plus étonné d'apprendre sur quel frivole prétexte il y est entré. Vous vous étonnerez peut-être, madame, de la manière dont se prit le cœur de Valentin. Ce fut, pour ainsi dire, l'ouvrage du hasard. Il avait, durant un hiver, vécu, selon sa coutume, assez follement, mais assez gaiement. L'été venu, comme la cigale, il se trouva au dépourvu. Les uns partaient pour la campagne, les autres allaient en Angleterre ou aux eaux. Il y a de ces années de désertion où tout ce qu'on a d'amis disparaît. Une bouffée de vent les emporte et on reste seul tout à coup. Si Valentin eût été plus sage, il aurait fait comme les autres et serait parti de son côté. mais les plaisirs avaient été chers et sa bourse vide le retenait à Paris. Regrettant son imprévoyance, aussi triste qu'on peut l'être à 25 ans, il songeait à passer l'été et à faire, non de nécessité vertu, mais de nécessité plaisir, s'il se pouvait. Sorti un matin par une de ces belles journées, où tout ce qui est jeune sort sans savoir pourquoi, il ne trouva, en y réfléchissant, que deux endroits où il put aller, chez madame de Parne ou chez madame de Launay. Il fut chez toutes deux le jour même, ayant agi en gourmand, il se trouva désœuvré le lendemain. Ne pouvant recommencer ses visites avant quelques jours, il se demanda quel jour il le pourrait, après quoi, involontairement, il repassa dans sa tête ce qu'il avait dit et entendu durant ces deux heures devenues précieuses pour lui. La ressemblance dont je vous ai parlé, et qui ne l'avait pas jusqu'alors frappé, le fit sourire d'abord. Il lui parut étrange que deux jeunes femmes dans des positions si diverses, et dont l'une ignorait l'existence de l'autre, eussent l'air d'être les deux sœurs. Il compara dans sa mémoire leurs traits, leur taille et leur esprit. Chacune des deux lui fit tour à tour moins aimer ou mieux goûter l'autre. Madame de Parne était coquette, vive, minaudière et enjouée. Madame de Launay était aussi tout cela, mais pas tous les jours, au bal seulement, et à un degré, pour ainsi dire, plus tiède. La pauvreté, sans doute, en était cause. Cependant, les yeux de la veuve brillaient parfois d'une flamme ardente qui semblait se concentrer dans le repos, tandis que le regard de la marquise ressemblait à une étincelle brillante, mais fugitive. « C'est bien la même femme, » se disait Valentin. « C'est le même feu, voltigeant là sur un foyer joyeux, ici couvert de cendres. » Peu à peu, il vint au détail. Il pensa aux blanches mains de l'une effleurant son clavier d'ivoire, aux mains un peu maigres de l'autre, tombant de fatigue sur ses genoux. Il pensa aux pieds, et il trouva bizarre que la pauvre fût la mieux chaussée. Elle faisait ses guêtres elle-même. Il vit la dame de la chaussée d'Antin, étendue sur sa chaise longue, respirant la fraîcheur, les bras nus dès le matin. Il se demandait si madame de Launay avait d'aussi bras sous ses manches d'indienne, et je ne sais pourquoi il tressaillit à l'idée de voir madame de Launay les bras nus. Puis il pensa aux belles touffes de cheveux noirs de madame de Parne, et à l'aiguille à tricoter que madame de Launay plantait dans sa natte en causant. Il prit un crayon et chercha à retracer sur le papier la double image qu'il occupait. À force d'effacer et de tâtonner, il arriva à l'une de ces ressemblances lointaines, dont la fantaisie se contente quelquefois plutôt que d'un portrait trop vrai. Dès qu'il eut obtenu cette esquisse, il s'arrêta. À laquelle des deux ressemblait-elle davantage? Il ne pouvait lui-même en décider. Ce fut tantôt à l'une et tantôt à l'autre, selon le caprice de sa rêverie. Que de mystère dans le destin, se disait-il. Qui sait, malgré les apparences, laquelle de ces deux femmes est la plus heureuse? Est-ce la plus riche ou la plus belle? Est-ce celle qui sera la plus aimée? Non, c'est celle qui aimera le mieux. Que ferait-elle si demain matin elle s'éveillait l'une à la place de l'autre? Valentin se souvint du dormeur éveillé, et sans s'apercevoir qu'il rêvait lui-même en plein jour, il fit 1000 châteaux en Espagne, il se promit d'aller, dès le lendemain, faire ses deux visites et d'emporter son esquisse pour voir les défauts. En même temps, il ajoutait un coup de crayon, une boucle de cheveux, un pli à la robe. Les yeux étaient plus grands, le contour plus délicat. Il pensa de nouveau aux pieds, puis à la main, puis aux bras blancs. Il pensa encore à 1000 autres choses. Enfin, il devint amoureux.